Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente. On t'a compris, premier coup. Merci. Aujourd'hui, à l'émission, on déférons s'entretient avec un ancien habitué de la station, Simon. En fait, de l'émission, Simon Fitzbé. On parle justice avec Michel Lebrun. Je suis un petit peu déboussolé. Assemblage requis commence maintenant. Je croyais à TVA, moi, là. Cette émission est présentée par Québécois, mais aussi par Vidéotron, par TVA, par la chaîne Mademoiselle, par Youpa, par TVA Sport. Tout ça en même temps. Ça va faire. Non, bon, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 23 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Hey, party people! Ça va bien, François? Party people. C'est ce que t'as dit. C'est ça. Eh, mon Dieu. On était en feu ce matin. Ah, aujourd'hui, à l'émission, David Ferron qui va s'entretenir avec... en fait, vous le connaissez, il a participé à l'émission depuis les débuts, en 2009. Donc, Simon Fitzbé, il est de retour. David Ferron arrête pas d'en parler depuis des mois. J'ai ressuscité Simon Fitzbé. Bon, OK. Qu'est-ce que ça veut dire? David n'est pas là pour se défendre. Non, en effet. Donc, on va en profiter. Donc, ce sera à 8h30 en toute fin d'émission. Mais avant ça, à 8h, qu'est-ce qu'on apprend ça? On va parler justice avec Michel Lebrun. Mm-hmm. Comme à chaque semaine. Party people. Un des seuls qui est stable pour... la semaine de relâche, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que demain, en fait, Jasmine, Anne-Julie n'est pas là. Maxime est là, par Maxime contre. Maxime est là, c'est vrai. Il y a une personne par jour. C'est Alexandra vrai. Lundi, Michel Lebrun mardi, Maxime Bilodeau mercredi. Jeudi, on a personne. Ouais, c'est ça, jeudi, écoute, on fait dur. On fait patate. Ben non. On fait toutes les chroniques qu'on n'aurait pas pu faire parce qu'on a trop de contenu dans cette émission. Donc, sinon, aussi à l'émission d'aujourd'hui, on va faire C'est un fait Regular Edition. Là, c'est rendu, il faut que je précise, les éditions normales, c'est un fait tellement. Elles sont toutes spéciales d'habitude. Donc là, tu ne parles pas de sexe ce matin. Non, du tout. C'est Regular Good Old. Shit Edition. Alors, on va aussi faire CNX en début d'émission. Par contre, on va commencer en musique avec nos amis de la descente du coude. On les écoute pas tellement souvent de ces temps-ci. Ils ont un nouvel extrait sur le palmarès francophone. Voici Instinct Domestique. Sur C'est fou, bon matin à Party People. Hein? On est dedans ou on l'est pas. Sol, qui tous les jours fait grand 35 heures. ses peines sur la console qui tous les jours fait écran. J'attends 25 heures par semaine. Je passe au rêve de mes pédales d'été. Et ça serait pas bien soulagé ses peines sur la console. White Horse et la pièce Devil's Got a Gun, ça c'est rock, un devil avec un gun. Hey, c'est bon! Oui, mais hein! C'est bon, on aime ça! C'est sur le palmarès anglophone, ça, White Horse. Leur album s'appelle The Fate of the World Depends on This Kiss. Oh! Ouh! Hein, on rigole plus. Hein, ben. Donc maintenant, on rigole pas. On a jamais rigolé, Matt. Jamais. On a l'air de deux bouffons le matin, disons. Non! Deux genres d'énergumènes de fous furieux de Red Bayrel. De Red Ben Red. Red Ben Red. Tabarouette. You know what I mean? À ce point-là. You know what I'm saying? Je pensais pas. Voici CNX. CNX.com François, are you ready for some not football at all? I'm ready! Parce qu'il n'y aura pas de football là-dedans. Non? Non, non, non, non. Il va y avoir des affaires par rapport à chose Darth Vader dans Star Wars. OK. Tu sais, dans Star Wars, Darth Vader a un TIE Fighter, c'est un genre de vaisseau. Tu sais, avec des genres d'ailes sur les côtés. Là, ça ressemble un petit peu, mettons, à ça. OK, ouais. Bon. Ben, il y a un artiste qui a refait ça en 3D pour que vous puissiez le visiter dans votre furteur web. C'est compatible WebGL, donc c'est un modèle en 3D où on peut aller voir vraiment toutes les crevasses, les crevisses, les trous, les bosses, toutes les petites surfaces là-dedans. Sur TIE Fighter, je trouve que l'idée est vraiment bonne. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Hey, le gars, il avait-tu du temps à perdre? » Moi, ouais, je veux dire, une chance que quelqu'un a du temps à perdre pour faire ça. Hein? Ouais. Tu peux aller dedans. Tu peux aller partout. C'est génial. Partout. Hein? Tu peux le tourner à main. Regarde ça, je suis en train de le tourner à main. Ah ben ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pas été le voir encore. Ben, laisse le lien sur assemblagerequis.com. Hein? Hey. Même chose pour le prochain. Si des mascottes de boîtes de céréales étaient, dans la réalité, étaient vraies. Hein? Donc, c'est l'artiste péruvien Guillermo Fardo. Guillermo Fardo. C'est comme Guillaume Falardeau, si on veut. Mais voilà. Péruvien. Qui a réimaginé les mascottes populaires de compagnies de céréales comme c'était de vrais gens. Par exemple, le Capitaine Crunch. Hein? Il a l'air d'une espèce de gros, je sais pas si on dit capitaine, hein, je pense, avec un bol de céréales dans les mains, puis il a l'air bien surpris, avec sa grosse moustache, mais il a l'air vrai. Il a l'air vrai. OK, as-tu Tony le Tigre? T'es comme un devin, toi. Tony? Tony le Tigre, mais évidemment, c'est pas un vrai tigre, c'est un humain, là, déguisé en tigre. Donc, il y a sa capuche de tigre. Il y a des gros, gros muscles aussi, Tony le Tigre. Il est musclé, lui. Il est musclé, en effet. On dirait Popeye. Popeye. Le Comte Chocula, on le connaît moins au Québec. Trix, on ne connaît pas ça du tout au Québec non plus. Mais là, c'est un gars déguisé en lapin. Et il y en a d'autres sur le... Si vous cliquez sur le lien à la fin de l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, vous savez comment je déteste, j'ai une haine profonde, comme la plupart des gens qui font juste un petit peu au moins de design dans la vie, la police Comic Sans, Comic Sans MS qu'on appelle en français, Comic Sans, ça gâche tout dans la vie cette police-là, selon la plupart des gens. Ouais. Donc, c'est cet logo gâché par Comic Sans, c'est un designer qui s'appelle Oleg Tarasov. Toi, je sais que t'as un faible pour Comic Sans. T'es dans les gens... Pas pire. En fait, là, si j'ai choix entre ça ou Times New Roman, je vais prendre ça. Là. Oui, probablement Times New Roman est tellement par défaut que ça en devient gênant. Là, donc, il a refait ce designer-là, Oleg Tarasov, le logo de Harley-Davidson. Comment ça aurait l'air d'une vraie joke? OK. Tu vois, là? Microsoft, tu sais. Ce serait la base, je pense que Microsoft pourrait faire ça. Coca-Cola, c'est fantastique. eBay, Android, EA Games, Orbit, tout a l'air d'avoir été fait par des enfants de maternelle si tu mets Comic Sans comme logo. C'est joli, j'aime ça. Ensuite, allons-y avec 6 photos qui montrent que le pain au chocolat est toujours triste. Tu sais, une chocolatine qu'on appelle en français une chocolatine, en anglais, ils appellent ça pain au chocolat. Hein? Pain au chocolat. Pain au chocolat. Eux autres, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ça fait plus français, pain au chocolat, que de dire chocolatine, qui est le nom qu'on utilise, disons. Donc, c'est ça, du pain au chocolat, une chocolatine, c'est toujours triste quand tu la regardes du côté, parce qu'il y a tout le temps l'air d'avoir, genre, 2 yeux puis une bouche triste. Non, mais ils l'ont rajouté à la bouche. La bouche est rajoutée, en effet. Mais si tu regardes les yeux, puis le repli du bas de la chocolatine, ça peut ressembler à une bouche quand même, ça. Et puis, de l'autre bord, souvent, il y a juste un trou, fait qu'il y a l'air d'autres choses. Fait que c'est vraiment comme un animal de compagnie, tu peux vraiment mettre une laisse après ça, puis tu sais, un petit bol de lait, tremper ta chocolatine. Ça peut avoir du temps à perdre. Je sais pas, hein? Ben. Moi, je te dirais, Internet est d'avoir du temps à perdre, ça. Ouais. Fait que CNX est d'avoir du temps à perdre aussi. Ensuite, des costumes d'Halloween, encore une fois, mais sexy et de fruits et légumes. Okay. Décompostable? Décompostable, t'es... non, en fait. Non. Non, pas vraiment. En fait, c'est plus des vêtements qui ressemblent à des fruits et légumes. Chez chèque, par exemple, un petit bout d'orange sur ta robe, tu sais, ça a l'air, on dirait une tranche d'orange, toute la robe au complet. L'autre, elle ressemble à un épi de blé d'Inde. Tu sais, sa petite jupe est comme verte, comme des petites feuilles. Et puis son top est fait en genre de quadrillé, comme du maïs. Du melon d'eau, avec même une morsure... Il manque un morceau de tissu sur le côté. C'est très sexy. C'est vraiment beau. La fille qui le porte aussi est sexy. C'est la même à toutes les photos. Fait que c'est comme... et bien faite. Une banane. Banane bien faite. Et elle, en plus, c'est un... Dans le fond, c'est comme un top slash jupe slash un uni... Comme, je sais pas comment tu appelles ça. Là. Comment tu appelles ça? T'as vendu du linge, je sais quoi. Ça, une affaire de qui va de la jupe jusqu'au top. Un morceau. En tout cas, avec un zip, et puis le dessus se déballe comme une banane. Donc, ça, tu vois l'intérieur du tissu de la banane. Bon. T'as des raisins, t'as de la lime, t'as des fraises. T'as un burger. Et un burger, c'est exactement ça, le meilleur pour la fin. Hein? Donc, c'est encore une fois une affaire en un seul morceau. Hein? Puis le bas et le haut, c'est comme du genre de beige brun avec des petites graines de sésame sur ses seins. La poitrine. La poitrine. Et le milieu est composé de salade, tomates et de la viande. C'est niaiseux. Et j'aime bien la photo à la fin. Ah, le gars a l'air déprimé. Ah, c'est le mime de Capitaine Picard avec la main sur la face. Découragé. Tête dans la main. Sinon, sur craziestgadget.com, on nous parle de portraits créés à partir de touches de clavier d'ordinateur. Mon hon. Oh, oh. Donc, c'est l'artiste Work by Night, mais Night comme un chevalier, là, qui a créé ses portraits de différentes vedettes. Et là, j'utilise moi le mot vedette entre guillemets français. Là. Je vais faire comme toi là-bas. Ouais, comme ça. Que c'est pas tout le temps des vedettes, là. C'est des vedettes de télé-réalité des fois. Là. Il y avait Bono en haut de l'article. Sinon, après ça, c'est, je sais pas, c'est un gars de Storage Wars. Tu sais, who cares about Storage Wars? Sérieux. Ça, c'est la guerre des enchères de cabanes qui ont peut-être des affaires dedans. Là, c'est genre des petits storage units. Sinon, t'as Jay-Z, mon préf, Jay-Z, et Dr. House. Donc, créé à partir de touches de clavier d'ordinateur. Moi, je trouve l'idée bonne quand c'est fait avec des photos. Tu sais, tu peux vraiment aller voir les photos. Là, c'est des touches d'ordinateur. Ouais. Mais. C'est pas l'originalité. Hein. Non, mais tu sais, qu'est-ce que... En tout cas, ouais, c'est de l'art. Ouais, c'est de l'art, mais... Je peux comprendre par contre ce que tu veux dire. Ouais, en effet. Ensuite, ça, j'aime beaucoup ça. C'est, tu sais, quand tu vas sur Internet, là, tu cherches une page web, mais tu arrives sur une erreur 404, voulant dire que la page fonctionne pas. Mm-hmm. C'est toujours triste. Il y a un nouveau projet qui s'appelle le Not Found Project qui ajoute des enfants recherchés aux pages 404. Ah ouais, pour vrai? Ça, c'est une très bonne idée. Donc, tu arrives sur une page qui n'existe pas et on te donne en même temps une photo et puis son âge, son pays, etc. La récompense, combien ça coûte combien. Et puis, tu peux aider à trouver un enfant qui est recherché qu'on trouve plus. OK. Et ça fonctionne? Ça fonctionne, mais seulement en Europe. En fait, c'est par Missing Children Europe en collaboration avec Child Focus. Okay. Et puis, ça ne parle que d'enfants qui sont dans l'Union européenne. Mais peut-être qu'un jour, si ça fonctionne assez, on pourra en avoir un peu partout dans le monde. C'est une bonne idée. Le site web est notfound.org si vous voulez aller voir. Si vous voulez pas être obligé d'aller trouver un site européen qui a une page 404 avec le petit module installé, parce qu'il faut que les sites web installent un petit module pour que ça fonctionne avec leur site. Je pensais que c'était avec le Furteur ou... Non, mais justement, excellent point, ça pourrait être ça à la place. Ben, ça serait plus simple. Pour vrai, Firefox, quand t'es même, mettons, ta connexion Internet marche mal, il va t'afficher une page d'erreur custom de Firefox, ça pourrait être ça. Mmh. Excellent. Ensuite, tiens, vous savez comment j'aime les Tumblr, c'est un peu des blogs à utilisation unique. Tu sais, ils trouvent un concept stupide, ils font un Tumblr parce que c'est tellement simple de faire un Tumblr. N'importe qui peut faire ça, c'est 2 ou 3 clics. Hein. Et puis, tu peux faire donc un site sur n'importe quoi. Et puis, des fois, ces sites-là durent pas longtemps. C'est juste une petite mode qui passe. C'est très très passager. Hein. C'est pas comme un gros blog, c'est un plus minuscule blog. Et bien, sur mensonclass.com, on nous parle d'une bonne dizaine de ces Tumblr-là. Par exemple, des couvertures d'albums célèbres recréées avec des bas sur thesuckcovers.tumblr.com. Pourquoi pas? Par exemple, l'album de... C'est qui? Kiss avec la grosse langue, la grosse bouche? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, recréé avec des bas, et ça a l'air vrai. Ça a l'air tout à fait vrai. Pardon. Ensuite, dog shaming. Tu sais, quand ton chien fait quelque chose de pas correct, y a des gens qui vont aimer leur mettre un petit message dans le cou pour leur faire honte. Tu sais, on a entendu parler de parents qui faisaient ça avec leurs enfants, là, tu sais. Là, quelques temps, c'était la mode. Mais là, avec des chiens. Donc, par exemple, j'ai mangé 3 chandelles. Et là, la personne prend une pancarte, lui met ça autour du cou et prend ça en photo. Mais ça, c'est le Tumblr. Ça s'appelle dog shaming. C'est le fun, hein? Ouais, c'est pas pire. C'est pas si pire méchant. Ensuite, Replacement Hipsters, c'est un blog de photos mettant en vedette de vieilles personnes qui se foutent complètement de ce que tu penses d'eux côté vestimentaire. Donc, c'est des hipsters, mais d'une autre génération, si on veut. C'est cool, ça, par exemple. C'est bien, ça. Ouais. Sorry, I haven't posted, qui est un autre Tumblr sur sorry.coryarchangel.com, qui, dans le fond, c'est complètement des messages... Pas rapport. Ben non, de d'autres blogs. Tu sais, quand tu pars un blog, mettons, toi, tu pars un blog, souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont écrire quelques messages... Après ça, ils vont s'absenter pendant un bout, puis ils vont revenir, ils vont dire « Je m'excuse de ne pas avoir posté depuis un bout. » Tu sais, mais il y a des millions de blogs qui sont... Le premier message, c'est « Je m'excuse de ne pas avoir posté depuis un bout. » Et puis lui, il collectionne ces messages-là sur son Tumblr. Ça, c'est une bonne idée, non? Ouais. Moi, j'aime ça. Ensuite, Muppets with People Eyes. Donc, c'est des Muppets de Jim Henson, mais où on remplace leurs yeux par des yeux d'humains. Ça, c'est ça, je l'adore, celle-là. Muppets with People Eyes, c'est sur muppetswithpeopleeyes.tumblr.com. Ensuite, on s'appelle de Mo Farah aux Olympiques, qui a gagné la course à, je sais pas trop quoi, 2 mètres, 5 000, 10 000 mètres, là, whatever. Et, c'est devenu un héros national. Et puis maintenant, on peut retrouver le blog Mo Farah Running Away From Things. Donc, Mo Farah qui s'enfuit devant, devant des foules de gens en furie, comme dans Braveheart. C'est niaiseux. C'est très, très, très niaiseux. On parlait de Star Wars en début de chronique. Star Trek a aussi sa chance. En fait, on a parlé de Star Trek avec Capitaine Picard tantôt aussi quand il se mettait la tête en face. Donc, c'est Star Trek Points at Things qui prend des photos de Star Trek The Next Generation, épisode par épisode, et poste à chaque fois qu'un personnage pointe quelque chose. Donc, on compte le quel personnage a le plus de pointage, tu sais, de points. Ouais. Et c'est un petit score et tout ça. Ils sont rendus au 7e épisode de la saison 1, donc ça va pas très très vite. Cats where they do not belong. C'est des photos de chats à des places où ils ne devraient pas être. Par exemple, dans un truc pour nourrir les oiseaux. C'est pas supposé être là. T'as Removies. J'adore ce principe-là. C'est de prendre un film, un poster de film, ou en tout cas un titre de film, et enlever une lettre. Et après ça, refaire un nouveau poster. Par exemple, tu prends Jurassic Park, ça fait Jurassic Ark, et tu dessines un dinosaure dans un bateau. Ou encore Cape Fear, et ça devient Ape Fear, et là, t'as un gorille qui court après un bateau. C'est très le fun. Sinon, le dernier, c'est The Worst Things for Sale, qui est un blog de critique de produits, mais seulement pour des produits dont on peut se moquer complètement. Donc, par exemple, des chaises de plastique. Et là, on parle de ces chaises-là en long et en large et en grand détail que personne ne veut savoir. Donc, voilà, c'est une liste de petits Tumblr que vous pouvez aller visiter. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Et on a pour terminer ce bout-là de la chronique, deux petites vidéos à écouter. On commence avec un chien qui est allé se faire opérer. Et quand il est sorti de cette opération-là, il sonnait un peu... Bon. C'est vraiment un chien, c'est pas son propriétaire. Pas l'air en santé, non. Non. Il dégèle. Il dégèle. Ah, pauvre chien. Ah, j'ai de la misère à trouver ça, à trouver ça drôle. Ouais, mais en même temps, il est pas malade. Là. Il a été opéré, puis il va bien. C'est juste l'effet du sédatif, ou de comment t'appelles ça, là, de l'anesthésie. Un sédatif qui... Ouais, qui s'en va tranquillement, pas vite. Oh. Et pour terminer, je vais écouter ça, voir qu'est-ce que ça donne. Juste un petit peu. Ça sonne très bien. C'est la chanson thème de Chose. De Chose. Ah, regarde. Donc, c'est ce qu'on appelle le Pianocade. C'est pour faire sa propre musique 8-bit. Tu sais, comme du chiptune que t'aimes pas, de la musique de jeux vidéo. T'as ou... ouais. Comment ça, t'as, ça? Pas de, t'as pas déjà ça? Il faut que je l'aie. Donc, c'est une machine qui ressemble un petit peu à... ben, ça ressemble à rien du tout, un gros bout de plastique blanc. Mais dessus, t'as un joystick et des boutons. Et tu peux faire ta propre musique style 8-bit avec ça. Donc, ça s'appelle Pianocade. La vidéo, en ce moment, que je suis en train de vous faire écouter, vous pouvez la retrouver sur assemblagerequis.com. Ça vous montre comment l'utiliser. Et puis, t'as une connexion MIDI, donc tu peux le brancher après un clavier. Tu peux faire un paquet d'affaires comme ça. Donc, c'est le Pianocade. J'en veux un. Et le joystick, c'est cool. Ça, c'est les variations qu'on vient d'entendre là. Okay. Les bruits, juste, c'était le joystick. C'est super. Et c'est programmable par l'utilisateur. Donc, c'est merveilleux. Maintenant, on va se quitter pour cette chronique CNX avec un extrait chiptune. Mais justement, cette fois-ci, un remix d'une chanson qu'on a dans le palmarès en ce moment. Donc, je te laisse la deviner. Hein? Mmh. Dans le palmarès anglophone, je sais. Un indice. Est-ce que t'as deviné ce que c'était, François? Non, j'ai eu de la misère. Ouais. J'ai eu besoin de ton aide. C'est Passion Pit avec Take a Walk, remixé par Jovan Jams. Il y a des bouts qu'on apprécie un peu moins. L'autre bout, là, tantôt, là, c'était où? Attends un peu, on va entendre la pièce. Que... celle-là, ce bout-là ici. Là. C'est assez... comme pas sûr. T'sais. Ben, ça a été fait à la... va vite, ce bout-là, je pense. Oh, bye. OK. Donc, Jovan Jams, merci de nous avoir divertis comme ça ce matin dans Selenix. Mm-hmm. Et c'est tout pour la chronique d'aujourd'hui. Merci, Matt. Ça fait plaisir. Alors, on vient tantôt avec une chronique, c'est un fait regular edition. Mais pour l'instant, on prend une petite pause. Voici là. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. My man, you'll never be what is in your heart. little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? For yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? La formation Mumford & Sons et la pièce Little Lion Man. Et juste avant ça, on a entendu Gaslight Anthem et la pièce 45. Ça, c'est un choix musical, un bloc musical. Devinez de qui? J'ai pas de lunettes. Simon, Maxime... François-Louis Marchand, je pense. Oh. OK, donc maintenant, voici, c'est un fait Regular Edition. Regular. L'édition régulière de cet effet, donc l'édition, si on veut... Quelqu'un de pas très régulier. Non, c'est ça, avec des fibres, plein de choses. Donc cet effet, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. 15 personnes ont été tuées en 1929 quand les pompiers ont essayé de montrer un peu ce qu'ils savaient faire. Ils voulaient se vanter, là, avoir l'air bon. Donc ils ont mis une bâtisse en feu. Pour, 15 personnes sont mortes là-dedans? 15 personnes sont mortes. Eh boy. Et, hein? Pas fort. Non. Pas fort. Les araignées mâles sont presque toujours plus petits que les femelles et sont souvent beaucoup plus colorées. C'est bien. Ah, ça, je et souvent, ils se font manger. Ben, souvent, ça arrive quelquefois, là, quelques sortes spécifiques. Ils se font manger, d'ailleurs, après l'acte. OK, donc ils copulent. Après ça, la femelle mange là. Ouais. Ouais. Femelle mange là. les albinos. Ouais. Il leur manque une enzyme qui s'appelle la tyrosinase. Ah, et donc, leur corps ne peut pas produire de mélanine. Les Sims, à l'origine, ont été construits, ou en tout cas bâtis, en tant que simulateur d'architecture. Donc, les Sims étaient là seulement pour évaluer les constructions que tu faisais. Les petits personnages étaient là pour évaluer tes maisons sur un simulateur d'architecture. Comme dans SimCity? Genre! Ah, ouais, 60% des restaurants qu'on voit dans l'émission Cauchemar en cuisine, Kitchen Nightmares, ont fermé depuis. Ah! Ça, c'est bien. Tu sais, Gordon Ramsay est strict et comme... Mais c'est ça, les propriétaires doivent pas suivre les ordres de M. Gordon Ramsay. Ou peut-être qu'ils les suivent, puis c'est à cause de ça qu'ils ferment, ça me surprendrait. Ça me surprendrait. Plus de 550 millions de dollars de pretzels sont vendus aux États-Unis à chaque année. About what? 550 millions. D'ailleurs, parlant de nœuds, parce qu'on sait qu'un pretzel, c'est un nœud, en anglais, on dit « tying the knot » quand on se marie. « Tying the knot », donc « nouer le nœud ». Ça vient du Suisse. Okay. Des Suisses en même temps, qui incorpore encore et toujours aujourd'hui le pretzel ou le bretzel en français, chanceux, lors des cérémonies de mariage. C'est pretzel en anglais, bretzel en français, si je me rappelle bien, je crois. Je sais pas. Les enfants allemands, parlant de pretzel, pourquoi est-ce qu'on a autant de faits sur les pretzels? J'en ai aucune idée, bretzel. Donc les enfants allemands portent des bretzels autour de leur cou le jour ou le soir du Nouvel An, en fond, lorsqu'on change d'année. Une tradition. Ouais, pas pire quand même, ça c'est fun. C'est fun. T'as une collation en plus. Une collation, ouais. C'est Scott. Lorsque le Treasury Secretary Salmon P. Chase a inventé, ou en tout cas a designé, que je pourrais dire, le premier billet d'un dollar en 1862, il a mis sa propre face dessus. C'est le. C'est bien fait. C'est. Non. Tu sais, c'est un peu. Ben. Pas très, très humble. Ouais. J'arrête pas de me corriger moi-même, je suis fatigué. L'inventeur de Gatorade a aussi créé une version alcoolisée du Gatorade qui s'appelait Hoppin' Gator. Ouais, ça, je crois que je l'avais déjà fait, celui-là. Dans l'Amérique, dans la vieille Amérique, l'homard n'était pas quelque chose de luxueux. En fait, c'était tellement pas cher, il y en avait tellement qu'on le servait aux prisonniers dans les prisons. Le homard. Ah ouais, t'es sérieux? Tabarouette, ça a changé? Pas Omar Guardado, ou je sais pas quel homard, comme un prénom. Là. Omar, l'aliment. BlackBerry a maintenant moins de 5% du marché des téléphones cellulaires aux États-Unis. C'est comparé à 50% il y a 3 ans. 50% il y a 3 ans! À 5% maintenant. Incroyable. Traditionnellement, les guerriers montaient sur leurs chevaux, sur leur cheval personnel, là, à partir de la gauche du cheval, parce que ils avaient leur épée dans leur pantalons. Ils avaient leur épée. Ils la portaient à droite? À gauche? Ils la portaient à... Si tu montes droite, à gauche. J'imagine que tu montes à gauche, je pense. Mais si tu montes à gauche. Ouais. Puis c'est sur ta c'est jambe droite. C'est ta jambe droite que tu lèves en premier. Ouais, exactement. Tu montes ta jambe droite en premier. Donc c'était. La gauche. Sur la gauche. On a élucidé le mystère. Pas besoin de détails. On est capable, nous autres, même. C'est ça. En date de 2002, le pays avec le plus de chevaux per capita, donc par personne, c'était la. De chevaux ou de cheveux? De chevaux. De cheveux. C'est qui veut un matin, lui? Le plus de chevaux par personne, c'est la Mongolie. Un cheval par résident. Très bien. En 2002. Les tests de grossesse, au départ, étaient performés en faisant une injection d'un échantillon d'urine dans une souris femelle ou un lapin. C'est comme ça qu'on savait si t'étais enceinte. Ils inséraient de ton sang dans un... Qu'est-ce que ça faisait? Aucune idée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a deux fois plus de kangourous en Australie que de gens. Le kangourou, la population de kangourous est estimée à environ 40 millions par rapport à 20 millions pour les humains. Les chiens ont un sens remarquable de l'odorat. Ils sont capables de faire la différence entre des odeurs de concentration qui sont presque 100 millions de fois plus faibles que les humains. Ils ont des petites concentrations. Les chiens sont capables de sentir ça. C'est pas bien. Mais en même temps, faut que tu le sortes tout le temps. C'est pas. Parlant de chien, le Basenji est le seul chien qui n'est pas capable de japper du tout. Et j'ai l'extrait sonore ici. Eh bien. Super. On l'a pas entendu. Après que, Outcast, non pas Shoutcast, Outcast, la formation. C'est ça. Ils ont chanté Shake It Like a Polaroid Picture, tu te rappelles? Shake It Like a Polaroid. Je sais même pas si c'est ça l'air. Shake It Like a Polaroid Picture. OK. Donc, Polaroid, la compagnie, a sorti un communiqué de presse disant brasser une photo Polaroid peut en fait endommager l'image. C'est vrai. Faut pas que tu shakes ça. Là. Une photo Polaroid, tu la mets sur la table et tu mais attends. Souvent, en fait, là, on veut que... Le vent, l'air, ouais. Ça va faire que ça va sécher plus vite. Boule! Crap! Ouais. Non, tu fais pas ça. Après que Drew Barrymore ait posé pour le magazine Playboy en 1995, Steven Spielberg, son réalisateur du film E.T., lui a envoyé une note qui disait « Couvre-toi » et lui a envoyé une couverture avec. Tu sais, parce que Drew Barrymore, dans E.T., on s'entend qu'il avait comme 8 ans. Ouais. Il est jeune, voilà. James Cameron, parlant de vedette, là, a déjà été chauffeur d'autobus d'école scolaire. OK. James Cameron. Titanic, tout, là. Ouais. Ça va, ouais. 80% des gens qui commencent un programme d'exercice vont l'abandonner. Combien? 40? 80. 80. Ça, c'est, je te dirais, probablement proche de 4 sur 5 ou 8 sur 10 ou 2 sur 2.5. 2 sur 2.5. Ou 1 sur... je suis plus capable. C'est ça. À chaque année, environ 250 000 Américains ou des maris américains, donc des maricains. Oh, boy, boy. Des américains sont physiquement attaqués ou battus par leurs femmes. OK. 250 000. Ça, c'est presque un quart de million. Les publicités de Microsoft, I'm a PC. Tu te rappelles, il y avait tout le temps un gars... en fait, tu te rappelles peut-être pas parce que peut-être qu'il jouait pas en français, mais t'avais un gars qui jouait le PC, un gars qui jouait le Mac. Puis il y avait ça, des discussions ensemble. Non, c'est vrai. Donc, les publicités I'm a Mac de Microsoft ont été créées sur un Mac. Ah! Oh. C'est des publicités pour les PC, ça a été créé sur des Macs. C'est pas. Seulement... attends un peu. C'est ça? Non, je m'excuse, c'est pas les... Non, je me suis quand même mêlé dans ce fait-là. On recommence, rembobine, on va faire le montage, on recommence ça. Les publicités I'm a PC, c'est pas celles où on voyait un Mac et un PC se parler. Ça, c'était des publicités d'Apple, clairement. Okay. Les publicités I'm a PC, ouais, qui étaient autre que ça, et personne s'en souvient parce que c'est des publicités de Microsoft et il y en a tellement qu'on s'en fout. Mais celles-là ont été créées sur un Mac. Les publicités de Mac avec un Mac et un PC qui se parlaient des personnes qui jouaient un PC et un Mac, ça, c'était des publicités pour Apple et c'est normal que ça ait été fait avec des ordi Mac. Hein? Voilà. Donc, fait corrigé. Seulement 15% des gens peuvent lever un seul sourcil à la fois. On fait en studio, puis tout le monde est capable. C'est ça. C'est quoi? Seulement? Seulement? Seulement 15% des gens peuvent lever un sourcil à la fois. Ah, juste un? Bizarre. Ouais, je suis pas capable. On peut utiliser ces écouteurs en tant que microphone. Ça, je pense que bien des gens le savaient, mais je le répète quand même. Vous pouvez utiliser des écouteurs comme microphone. Si vous branchez ça dans la prise microphone de votre ordinateur, vous pouvez parler dans vos écouteurs et fonctionne comme microphone. Tu savais pas ça? Non. Tu vois, c'est pour ça que je le disais. C'est vrai? Ouais. Oui. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. Tu l'as essayé? Non. Je fais confiance à Internet. Et non, je pense que Danny Janvier m'en avait parlé, que c'était même tellement évident, finalement. Ah ouais? 40% des bouteilles d'eau en plastique sont juste remplies avec de l'eau de robinet. 40%. 40%? 40%. Une brosse à dents qui est à 6 pieds de distance d'une toilette, ouais, va recevoir des bactéries lors du flushage. 6 pieds. 6 pieds, il me semble, c'est gros. Ben, c'est pour ça qu'on met des petits capuchons sur les brosses à dents. Parce que c'est prouvé. Apparemment que c'est prouvé. 6 pieds. Ouais, bien. Moi, j'ai un petit muret comme qui fait un coin, fait que je pense que ça doit pas se rendre. Ça le souhaite. Il y a assez de carbone dans ton corps pour remplir 9000 crayons de plomb. Tu sais, c'est du plomb. Il y a du plomb dans ton corps. 9000 crayons plomb. Et finalement, oh ben ça, celui-là, je l'aime particulièrement, ce fait-là, je te dirais, François. Et c'est lui qui va nous appuyer musicalement après. Tu sais, on se demande souvent la question, qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est le poulet ou l'œuf? Moi, je dirais l'œuf. Non. Non? Oui, en premier. Oui, j'ai le fait est à l'envers sur mon truc. Oui, le poulet est venu après l'œuf. Donc, l'œuf est arrivé en premier. Les oiseaux ont évolué de précédents reptiles qui faisaient des œufs. Donc, ils ont évolué comme ça. Donc, c'était l'œuf et ensuite le poulet. Bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop c'est la danse des canards. C'était la danse des canards à la fin, parce qu'en anglais, la danse des canards, et là, ça, c'est un fait bonus que je vous donne, là, gratis. Bonus. Ça. Mais en anglais, la danse des canards, c'est the chicken dance, comme un poulet. Chicken dance. Tu sais, en français, c'est des canards, en anglais, c'est des poulets, ça n'a aucun sens. Écoutez la fin, écoutez ça. Oh! Le gars, il s'est trompé. C'était Tally Hall avec la pièce Mocha Blocka. C'est une pièce bonus de leur album Marvin's Marvelous Mechanical Museum de Tally Hall. Allez voir tallyhall.com ou encore sur iTunes. D'ailleurs, cette chanson-là a été utilisée dans un épisode de The Good Wife, une femme exemplaire, la série télé, avec Julianne Margulies. Et ils l'ont utilisée comme transition de scène dans une scène dramatique. Dramatique. Ben genre, c'était pas une scène... Ben non, mais ouais, il était dans l'auto puis il avait l'air de déprimer. J'ai pas vu l'extra complet, mais c'était pas pressant. Oh boy. C'est bizarre, mais j'aime ça, cette chanson-là, c'est super. Bon, donc, t'es toujours dans... C'est un fait Regular Size Edition. Et puis, Michael Jordan, on va faire un petit bloc thématique. Okay. Même si c'est une chronique, c'est regular, mais quand même des thèmes des fois. Thème sportif. Michael Jordan fait plus d'argent de la compagnie Nike à chaque année que tous les travailleurs dans les usines de Nike... ou Nike, en Malaisie, ensemble. Donc, lui, une personne fait plus d'argent que tout le monde dans les usines. Oh, je suis pas inquiet pour sa santé financière. Là. Attends. Mike. Jordan. Donc, le karaté, ensuite, n'est pas originaire du Japon, comme certains le croient. Ça a plutôt commencé avec les moines bouddhistes en Inde, au 5e siècle. Moines bouddhistes. Le golf est le seul sport qu'on a joué sur la Lune. Mm-hmm. Le 6 février 71, Alan Shepard a frappé une balle de golf. Eh bien. La plupart des équipes de NASCAR utilisent du nitrogène, ou de la nitrogène, en tout cas, nitrogène, dans leurs pneus à la place de l'air. C'est plus léger. C'est plus léger, probablement. Au hockey, est-ce que tu traduirais ça comment, le terme un face-off au hockey? Mise en jeu. Mise en jeu. À l'origine, ça s'appelait un puck-off. OK. Go puck yourself. Parce qu'il drop le puck. C'est ça, drop le puck. Puck yourself. Non? Tu joues pas au poulet, toi? Non. Les équipes de la Ligue majeure de baseball, la MLB, utilisent environ 850 000 balles par saison. C'est pas vrai, quand même. 850 000! C'est presque 8,5... La boxe est devenue un sport légal en 1901. OK. C'est presque 1900, mais plus une. Il y a seulement 4 athlètes qui ont reçu des médailles aux Olympiques d'hiver et aux Olympiques d'été. Je sais pas c'est qui, par exemple. Puis que d'hiver et d'été, je sais qu'il y a une Canadienne qui faisait du cycliste. Manon Rion. Non, non. Elle faisait pas du cycliste. Bel essai, Matt. Oui, merci. Bel essai. Une balle de baseball a exactement 108 coutures. Tu sais, des stitches, là? 108, ouais. On appelle ça de même des coutures, je pense. Et une balle de cricket en entre 65 et 70. Eh bien. Il y a un organisme qui gouverne à l'international le souk à la corde, tu sais, le tug of war quand on tire sur une corde. Ouais. Ça s'appelle la Tug of War International Federation. T'as pas quoi? Ou encore la TWIF, la TWIF. Hein? On ne rigole plus avec ça, c'est peut-être? Ouais. Ouais. Si ça avait été du golf, on aurait pu dire on ne rigole faire pas avec ça, mais. On est plus dans du golf. Pas du golf. Le patin de sur glace. Le patin sur glace a été inventé en Finlande il y a 5000 ans. Ok. Le terme frisbee vient d'une compagnie, de pâtisserie du 19e siècle qui s'appelait The Frisbee Pie Company. Et sûrement, là, j'extrapole parce que c'est pas écrit dans mes faits, puis tu sais comment c'est pas détaillé, ces affaires-là, sur Twitter. Là. J'imagine qu'ils devaient utiliser les assiettes pour les pâtisseries, pour les tartes. Fouillou! Là, c'était marqué frisbee dessus. Fouillou! Puis à un moment donné, ils ont fait en plastique. J'imagine que ça doit être ça. Le volleyball et le basketball ont tous les deux été inventés dans des YMCA. Ça, c'est genre des centres de conditionnement physique, à moins que je me trompe. YMCA. Organisme de bien. L'épanouissement du corps, de l'intelligence et de l'esprit. OK, c'est ça. C'est un genre d'organisme de bienfaisance qui a pour mission de favoriser l'épanouissement du corps, de l'intelligence et de l'esprit de chacun. Voilà. Donc, le volleyball et le basketball ont été inventés dans des YMCA à seulement 10 000 de distance l'un de l'autre. Okay. Presque au même endroit. Presque. L'association de basketball, The Basketball Association, a été démarrée en 1946 et a fusionné avec la plus petite National Basketball League en 1949 pour créer la NBA. Eh bien. Et les ballons de football de la NFL sont toujours fabriqués encore aujourd'hui à la main dans une petite usine Wilson à Ada, en Ohio. Chaque ballon, depuis 1941, a été fabriqué. Ah. J'aime ça, ces genres de traditions-là. Moi aussi, je trouve ça cool. Je trouve ça très bien. Ouais. Et Colin, pour un bloc thématique sportif, je l'ai trouvé intéressant. Oh! Oui. Mathieu s'intéresse au sport maintenant? Ben, je m'intéresse aux choses intéressantes du sport, c'est-à-dire ce qu'il y a autour du sport. T'sais, les ballons. Les ballons, les têtes de balle, oui, exactement, les Michael Jordan. ouais. Et ben, c'est un fait pour aujourd'hui. Good. Merci, Matt. Ça fait plaisir. Maintenant, je pense qu'on va terminer l'heure ici, François. C'est le moment de presque accueillir notre ami Michel Lebrun pour sa superbe chronique judiciaire, juridique et tout ce que vous voulez. Hein. Yeah. Jean. T'as dit j'en veux plus, fait qu'il faut que j'essaie de faire plus original que ça. L'autre fois. Donc. J'ambitionnerais si je disais que... ça sonne le fail. Je sais pas. On revient tout de suite. On écoute l'info campus pour l'instant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 23 octobre 2012. Lui, c'est François-Louis Marchand. Lui, c'est Mathieu Blanc. Oui, toujours vous, les party people. Party people le matin. Ouais, nos requins qui se font aller les mâchoires. Là. Les assemblages requins, c'est les auditeurs d'émission. On le dit tellement jamais que personne ne comprend. Donc, en ce début de deuxième heure, on accueille Michel Lebrun et ça va être grandiose comme toujours. Voici son panier à salade. Bon matin, Michel Lebrun. Bon matin. Bon matin. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Vous aussi, bonne semaine de relâche. Oui. Mais écoute, c'est tranquille dans le pavillon, là. Ben, c'est semaine, tranquille mais... dans le pavillon, ben, relatif, là. Ouais, mais... plus ou moins, là, mais... Il y a beaucoup d'action en termes de drill puis de marteau piqueur. De bruit, comme ouais. On dit, mais en tant que tel, les étudiants ne sont pas là. Nous, on s'en rend pas compte, mais ils sont pas là. Donc, Michel Lebrun, je sais que vous revenez de Las Vegas, Nevada. Ben oui, je suis allé participer à un congrès d'avocats de défense. Il y a une association américaine, ça s'appelle NACDL, National Association of Criminal Defense Lawyers, donc les avocats de défense américains. La NACADL? La NACADL? Oui, je ne l'ai pas entendu. Non? Il ne prononce pas comme ça, c'est peut-être... on n'a pas tout à fait le même accent. Rabat-joie. Et puis, ça se déroulait à Las Vegas, la ville. C'est une belle place. Donc, ce sont des avocats de défense criminels, des criminalistes, et... ils se réunissent à Las Vegas, pas parce que c'est la ville du crime, quoique c'est un petit peu la ville du vice. Ça donne de même. Mais parce que c'est une bonne ville pour tenir des congrès. D'ailleurs, c'est une ville qui fonctionne pratiquement uniquement par des congrès. Ben, tout le monde peut s'amuser, en fait. Tout le monde y retrouve son, son et compte et perd son compte en banque. c'est un peu vrai. Puis, je trouve ça fait plusieurs fois que je participe à leurs activités. Et puis... C'est intéressant. J'aime bien les États-Unis. J'aime ça aller aux États-Unis. J'aime ça parler avec des Américains. Oui. Mais des fois, on se pose la question, est-ce qu'on est Américain? Lorsqu'on va, on est confronté à cette société-là, puis la façon dont eux pratiquent la justice criminelle, on a des influences américaines, mais on réalise assez vite qu'on n'est pas tout à fait des Américains. Dans le bon sens ou pas? écoutez, c'est une question de culture, mais je suis toujours content de revenir chez moi. Puis, dans un pays où on a encore la peine de mort, les sentences... sont sévères. Les sentences sont très sévères aux États-Unis. Puis, je vous parlais la semaine dernière des dossiers de la drogue. Comment est-ce qu'on perçoit ça, entre autres, aux États-Unis? On parle de de sentences qui sont astronomiques. Là, qui, je pense que je vous l'avais dit, des fois, c'est peut-être, on peut avoir une sentence aussi pire pour avoir fait un trafic de drogue que pour avoir commis un meurtre. Puis, ouais, ouais. Je me pose des questions un peu sur ce que ça peut impliquer dans une société comme les États-Unis où les gens, qui étaient peut-être un peu plus violentes, on a des armes à feu, il y a des tensions, la répression est très forte. Et puis... je pense qu'ils sont faits comme ça. Ils sont très radicaux. C'est un pays qui a été fondé sur une révolution. Hein. Nous, ici au Canada, les choses se font comme doucement. On parle même au Québec, on parle d'indépendance, on parle de souveraineté association. On a toujours un petit... on essaie de faire des choses doucement. On est encore... D'ailleurs, on fait encore partie de la monarchie britannique sur papier. Et puis, alors que les Américains, eux, ont réglé ça il y a quelques centaines d'années... Même les Américains ont réglé ça. Ouais, et de façon assez violente. Ouais. Mais et c'est un pays qui a eu des guerres, qui a eu une guerre civile aussi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu en allant aux États-Unis, qu'on voyait un peu à quel point les gens sont radicaux. Les gens sont très patriotes. On voit des drapeaux américains, évidemment. D'un format. On rentre dans une station-service, puis le drapeau, il peut faire à peu près 10 pieds par 10 pieds. Et puis, on dirait qu'ils ont quelque chose de radical en tout. Les sentences sont radicales. On parlait, quand je suis arrivé à ce congrès-là, on parlait d'un juge qui avait invalidé une sentence de 110 ans de prison qui avait été donnée à un jeune de 16 ans. C'est énorme. Et là, le juge avait la cour d'appel avait trouvé que 110 ans, c'est un peu long pour quelqu'un qui n'a pas commis un meurtre. C'était une tentative de meurtre. Il avait blessé quelqu'un. Okay. Il avait 16 ans. Et on a trouvé que 110 ans de prison, ça faisait en sorte que même si il pouvait être éligible à la libération conditionnelle après le deux tiers de sa peine, de toute évidence, il sortirait jamais. Là. On vit pas jusqu'à 126 ans, non? Non, là-bas. Ça dépend. Là-bas, c'est les États-Unis, c'est différent. Oui, effectivement. Ça me fait penser à Woody Allen qui disait que dans un de ses films, il était un criminel puis il était condamné à 720 ans de prison, mais sa peine avait été réduite de moitié pour bonne conduite. c'est déjà l'air d'avoir cet âge. Oui, effectivement. Peut-être qu'il est empaillé depuis le cas. De toute façon, et lorsqu'on est confronté au système de justice américaine, c'est fascinant de voir justement comment qu'on retrouve un peu ce radicalisme-là chez les aussi chez les avocats de défense. La façon dont ils publicisent leur conférence. Nous autres, j'étais avec d'autres avocats du Canada, du Québec, et puis je me rappelle, il y a quelques années, c'est un avocat qui faisait une conférence sur des dossiers d'alcool au volant où il parlait d'accidents mortels. Et le titre de sa conférence, c'était en gros, là, je le traduis, là, mais un accident avec trois générations de femmes dans le même véhicule, frappé par le client du conférencier. Des taux sanguins qui assez élevés. Et le résultat, acquittement. Donc, on se vante un peu je trouvais ça un peu... c'est particulier. Ouais, c'est... Et pour la famille aussi, famille des victimes. La famille effectivement. ils sont... Le gars, il est bon, mais... Ouais, puis finalement, on avait appris qu'à la toute fin de cette conférence-là que la personne avait été acquittée de plusieurs choses, mais il y avait quand même une accusation qui avait subsisté, qui était de conduite dangereuse, et la personne avait eu 10 ans de prison. Et ça, c'était ce qu'il considérait comme étant une grande victoire. Et il y avait une conférence de l'avocat là-dessus. Et on voit, même en se déplaçant dans une ville comme Las Vegas et partout aux États-Unis, on voit ça, les avocats font énormément de publicité. J'ai vu sur le derrière d'un autobus, c'était marqué « Half Price Lawyer ». Donc, la moitié sur un panneau d'autobus, là, un bureau s'annonçait pour dire qu'eux étaient à moitié prix. Je me demandais si c'était à moitié prix de quoi. De quoi? Ouais, effectivement. Ça vaut peut-être pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Mais on pouvait même pas... On riait énormément de voir une annonce comme celle-là. Le message que ça envoie sur l'avocat en question, qui se met ça sur des panneaux d'autobus. À la télévision, on voit beaucoup de publicité aussi des avocats qui... surtout des avocats qui poursuivent pour les accidents d'auto en dommages corporels. Là. On voit les avocats. Avec leur numéro de téléphone sans frais. Venez nous voir, puis on est les meilleurs. Si vous ne gagnez pas, vous n'avez pas à nous payer. Ouais, des choses comme ça. Ici au Canada, au Québec, entre autres, c'est permis de faire ça, mais les avocats n'ont pas l'impression qu'on irait chercher de la clientèle avec ça. On a plus l'impression que ça nous ridiculiserait. Mais les Américains ont le sens, ont pas trop le sens. Marketing. Ouais, eux, il n'y a rien à leur épreuve. Mais aux États-Unis, tu mets ça pendant les émissions de Judge Judy puis un paquet d'autres comme ça, tu as l'impression vraiment que tu peux gagner. Parce que c'est ça, le passe-temps des Américains, le jour, c'est de regarder les émissions de Courtroom. Oui, en plus, effectivement. Nous, on a juste l'arbitre une fois par semaine. Les autres, c'est tous les jours pendant des heures et des heures de temps. Vrai. Effectivement. Puis là, actuellement, on est en période électorale. Aux États-Unis, il y a les élections évidemment présidentielles, mais il y a une multitude d'autres élections. Et ce qui est bien, ce qui m'a... j'avais déjà su ça, mais je ne m'en rappelais pas. Puis ce qui m'a un peu jeté à terre, c'est de voir des annonces, parce que les juges même sont élus aux États-Unis. Ah. Donc là, on est en campagne électorale et à la télévision, il n'y a que des annonces de campagne électorale, des annonces très virulentes, en fait. La culture politique, là, les républicains, entre autres, font dénoncent les démocrates, mais c'est très personnel, puis ça. Oh. Mais même les juges sont en campagne électorale. Et là, on voit des juges apparaître des annonces à la télévision. Et puis, on voit, dans une annonce en particulier, on voyait une juge là, qui se vantait d'être une bonne juge et tout ça. Et là, subitement, on voyait des représentants des corps de police apparaître dans son annonce pour dire « Nous appuyons la juge. » Je me souviens plus ça. Mais qui vote pour les juges, là? Tout le monde! Tout le monde, ceux qui veulent voter. Tout le monde qui veut voter, parce qu'aux États-Unis, il faut s'enregistrer pour voter. Mais quand tu vas voter, t'as comme un million de votes à faire, je m'imagine. Ah, complètement. Je veux dire, je sais pas si c'est un catalogue qu'il faut remplir. Vraiment, je regardais juste dans une ville comme Las Vegas, il y avait des candidats à des postes de juges. Il y a des députés qui sont on appelle les congressmen. Oui. Il y a les sénateurs. Il y a l'élection présidentielle. Puis il y a aussi des élections... ici, on appelle ça une province, mais au niveau de l'État, il y a le gouverneur, puis il y a des députés. Puis ça se fait... Je pense que ça se fait tout en même temps. Ben, c'est ce que je comprends aussi. Mais tu sais, quand... Puis il y a même des référendums. Ben, des fois, il y a des questions. Des lois qui vont passer, quelque chose comme ça. Mais justement, si tu sais pas pour qui voter, la plupart des gens doivent voter pour celui qui est déjà en poste, donc tu sais... Le nom qui te dit quelque chose. Ah, peut-être. Tu y vas. Ouais. C'est démocratique, mais en même temps, ça ne dit pas vraiment la réalité. Mais qu'on nous, en tout cas, pour des Canadiens, puis je comprends que les Américains sont très attachés à la démocratie, puis jusqu'au point même les shérifs sont élus. Comme le chef de police d'une ville est élu à tous les 3-4 ans. Je ne savais pas ça. Pour nous, on se dit, ça les rend, tu sais, peut-être un peu influençables. Un juge, moi, personnellement, je défends des gens qui sont accusés de crimes et de voir tous les corps de police qui figurent dans la publicité du juge, qui contribuent à le faire élire à tous les 3-4 ans. Je serais un peu inquiet de me retrouver d'affronter en fait ces corps de police-là qui appuient ce juge-là. Nous, notre conception d'un juge impartial, c'est quelqu'un qui est même nommé à vie, là, qui peut pas être congédié, qui peut pas être... Si le juge doit être même réélu à tous les 4 ans, j'imagine qu'il essaie de rendre des décisions qui sont populaires. L'effet inverse aussi, si, exemple, le corps policier t'appuie pas, mais tu réussis à être élu, t'as pas le goût d'être fin avec eux autres, là? Effectivement. C'est ça. On n'a pas la même conception. Ce qui nous rassure sur l'impartialité devant qui on se retrouve. Par contre, eux, les Américains, plaident beaucoup, beaucoup leur procès devant jury. Même un dossier d'alcool au volant. Ça se fait devant jury? Oui, là-bas, ça peut durer. Ici, un procès, ça peut durer 1 heure, 2 heures. Là-bas, ça peut juste choisir un jury. C'est excessivement long, là. Des coups aussi. Oui, les Américains, ils croient beaucoup à ça. Par contre, c'est les Américains. Nous, au Canada, puis on sait qu'ici au Québec, on a une mentalité qui est peut-être un peu plus soft, je dirais, par rapport à ça. J'en ai déjà parlé dans la chronique, mais je comprends un peu un parti comme le Parti conservateur ou les gens de l'Ouest... aspire un peu à trouver des... À se rapprocher, ouais, peut-être. Avec des sentences plus sévères. Je pense qu'ils sont influencés par ils sont plus influencés que nous, dans le fond, par ce qui se passe aux États-Unis. On a eu la chance aussi d'avoir une conférence. Puis, tu sais, je pense que ce qui symbolise un peu les Américains... un personnage qu'on a eu en conférence et qui commence à être assez âgé, qui s'appelle F. Lee Bailey, qui est un avocat originaire de la région de Massachusetts, qui est un personnage, je vous dirais, qui est un peu extrême comme les Américains peuvent l'être. Okay. Je me demandais, quand j'ai vu son nom, je me suis dit, qui est-ce qui avait représenté? C'est-tu l'étrangleur de Boston? C'est-tu O.J. Simpson? C'est-tu Patricia Hearst? Des procès au cours de l'histoire. Ben, finalement, c'est toutes ces personnes-là qui l'ont représenté. À partir de... J'avais une liste... Il a commencé dans les années 60 et puis je sais pas si vous avez vu le film Le Fugitif. Avec Harrison Ford. Harrison Ford, effectivement. Ouais. Puis ça, il y avait une série dans les années 60 qui avait été inspirée par le procès d'un médecin qui s'appelait Sam Shepard, qui un procès qui était très célèbre aussi. C'est le gars à un bras. Oui, effectivement. Ah. Est-ce que je viens de dévoiler un punch? Hein? De v'là 25 ans, 30 ans, à peu près. Bon, okay. Le film, c'est peut-être une quinzaine d'années, okay. Mais... Moi, c'est ça. Désolé. Vous étiez bien jeune à l'époque. Uh-huh. Mais, bon. Alors, il s'est fait connaître un peu avec ce dossier-là. Par la suite... D'ailleurs, ça avait été... Il avait quitté l'école, M. Bailey, pour devenir pilote de jet dans l'armée. Okay. Après ça, il est devenu avocat. Ben, il s'est occupé de Dr. Shepard, pour lequel il a obtenu un acquittement. L'étrangleur de Boston, qui est un cas célèbre aussi. Et il avait... il s'est retrouvé... Patricia Hearst, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ça me dit, moi. Patricia Hearst, dans les années 70, c'était une femme qui était l'héritière de la famille Hearst, qui était une des familles les plus riches aux États-Unis, okay. Qui était... eux, c'est dans le domaine des journaux. Je pense que Monsieur Hearst, la compagnie Hearst, était propriétaire de multiples journaux aux États-Unis. Donc, c'est une famille qui était très riche. Et dans les années 70, il y avait plusieurs groupes, de petits groupes terroristes qui s'est... Un peu comme ici au Québec, on a eu le FLQ, mais il y avait une mouvance, en fait, aux États-Unis de groupes terroristes. Puis un groupuscule, là, de vraiment des gens qui étaient révolutionnaires, mais ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils voulaient faire comme révolution. Mais ils volaient des banques, puis ils enlevaient des gens. Okay. Puis finalement, ils ont enlevé cette personne-là, Patricia Hearst, qui, elle, peut-être victime du ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, mais est tombée en amour avec ses ravisseurs. Ça arrive. Puis, hein? Là, c'est ça, elle a fini par être vue. Là, ça faisait les manchettes. Bon, elle est enlevée, puis tout ça. Puis finalement, elle a été vue en train de commettre des hold-up avec ses ravisseurs. Et puis, lorsqu'elle a été arrêtée, ben c'est encore M. Bailey, F. Lee Bailey, qui l'a représenté. Rendu là, elle avait été condamnée, puis elle reprochait à M. Bailey d'avoir peut-être été sous l'effet de l'alcool au moment de son procès. Ça ne l'a pas empêché de continuer sa carrière que les Américains considèrent brillante. Et il s'est retrouvé à défendre O.J. Simpson. Ça, c'était pour médiatisé. Ça, vous rappelez du procès de O.J. Simpson. Tout à fait. Et suivant en auto, là. Oui, c'est ça. En direct. Puis, un troc. Ouais. Le procès d'O.J. Simpson, c'est un procès qui est peut-être le procès le plus célèbre qu'il y a eu aux États-Unis, parce que c'était un des premiers procès qui était d'ailleurs télévisé. Hein. Aux États-Unis, on a aussi des caméras de télévision dans les salles de cours. Fait que O.J. Simpson était quelqu'un qui était très, très, très connu, un ancien joueur de football, et il était accusé d'avoir tué son ancienne femme avec l'amant de son ancienne femme. Et ça semblait un dossier... qui était assez simple, compte tenu qu'il y avait une preuve d'ADN, et c'était le début aussi des preuves d'ADN. Et puis, Bailey a fait partie de son équipe d'avocats, et il est assez célèbre pour avoir... dans le fond, ils ont contourné la preuve d'ADN. Dans le fond, ce qu'ils ont allégué, c'est que les policiers avaient peut-être planté cette preuve-là. Ouais. Et donc, plutôt que d'attaquer la preuve d'ADN, qui est très difficile à attaquer, parce qu'on... Oui, c'est assez... Quand l'ADN, quand on est sûr, a une chance sur à peu près 10 milliards, ben c'est difficile de trouver quelqu'un d'autre qui a le même ADN que O.J. Simpson. Vous dire qu'il peut y avoir eu une erreur là-dessus. Ce qu'ils ont fait, c'est Bailey qui a été un peu le maître d'œuvre de cette stratégie-là, c'est qu'ils ont attaqué le policier qui disait avoir trouvé un morceau de gant ou avec une tache de sang de O.J. Simpson. Et l'angle sur lequel ils l'ont attaqué, c'est un policier blanc. O.J. Simpson est un noir. Alors, ils ont essayé d'insinuer que c'était un raciste et qu'ils voulaient incriminer O.J. Simpson parce que c'était un noir. Et Bailey contre-interrogeait ce policier-là et il lui a dit... Il l'a amené à dire, avez-vous déjà utilisé le mot le N-word? Oui, oui. Le mot qui débute par un N et que tout le monde au Québec utilise comme si c'était pas grave, mais que partout ailleurs. Effectivement. Et aux États-Unis, c'est pire que de sacré dire ça. Et puis, à juste titre, bon. Ben oui, et le policier, peut-être un mauvais réflexe, mais a affirmé n'avoir jamais prononcé ce mot-là de sa vie. Lorsqu'il a été confronté à ça. Un peu pour se montrer qu'il n'y avait pas de préjugés. Oui. Et puis, sauf que personne ne pouvait croire ça, pratiquement. Puis j'ai même vu des entrevues par la suite avec des membres du jury, parce qu'aux États-Unis, les gens qui siègent sur des jurys peuvent donner des entrevues après puis là, dire pourquoi. Oui, ce qui les a influencés. Okay. Et puis, le jury était composé à peu près exclusivement de personnes de race noire, d'ailleurs. Mais qu'ils soient blancs ou noirs, personne ne pouvait croire que ce policier-là avait jamais utilisé ce mot-là, parce que tout le monde peut l'avoir utilisé sans être nécessairement raciste. Toute l'accusation contre O.J. Simpson s'est comme écroulée à cause de ça, parce qu'ils ont, après ça, dit, ben écoutez, vous pouvez pas le croire lorsqu'il vous dit que j'avais prononcé ce mot-là, donc vous pouvez pas le croire lorsqu'il vous dit qu'il a trouvé le gars et qu'il y a de l'ADN, et puis ils ont prouvé qu'il avait eu comme accès à des substances corporelles ou je sais pas trop. Fait que, dans le fond, c'est un procès qui a duré, je pense, une dizaine de mois ou un an, et comme les Américains, des fois, tout peut s'écrouler. C'est assez spectaculaire. Ces 10 mois-là de procès se sont résumés à peu près à ce contre-interrogatoire-là qui a conduit au fait que O.J. Simpson a été déclaré non coupable alors qu'il semblait y avoir une preuve très accablante contre lui. Fait que c'est toute une carrière d'avocat. Cet homme-là, il gagne bien sa vie. C'est ça. Mais justement, et là, on voit comment les Américains peuvent être des extrémistes. À la fin de sa carrière, dans les années 2000, il représentait en Floride M. Bailey, un trafiquant de drogue qui lui avait remis à titre d'avance, lui, il disait à titre d'avance honoraire, des actions d'une compagnie, d'ailleurs, de Montréal, qui s'appelait Biochem. Et on se dit, M. Bailey, il devait être très riche. Il reçoit ces actions-là et... dans le procès, le gouvernement décide de confisquer ces actions-là parce que c'est un produit de la criminalité. M. Bailey, entre le moment où il s'était fait remettre les actions qui valaient 5 millions et le moment où le gouvernement a voulu les confisquer, les actions valaient maintenant 20 millions de dollars. Alors, M. Bailey, lui, je pense qu'il n'en avait jamais assez. Et puis, c'est un gros montant. Alors, il a refusé de remettre ces actions-là. Il a fini par être emprisonné. Il a perdu son droit de pratique. Pour vous? Et... ça, il nous en a pas parlé, par contre, dans sa conférence qu'on a entendue la semaine dernière, mais malgré tous ces succès-là, malgré tout... on dirait qu'il faut toujours aller au bout. C'est des gens extrémistes. Et il a affronté le système judiciaire de la Floride, mais est-ce que c'est réglé, là? Il fought the law, but the law won ce fois-là, parce que depuis ce temps-là, depuis 2003, je pense, non, il a fini par être radié du barreau. Ah oui, pour vrai? À cause de ça? De la Floride, du Massachusetts, et là, maintenant, il est âgé de 60, 19 ans, à peu près. J'imagine qu'il doit y en rester un petit peu. Il a gardé ses actions? Maintenant, on le voit, puis il fait... Je ne sais pas... Je pense qu'ils ont fini par être confisqués, parce qu'ils l'ont emprisonné jusqu'à temps qu'il signe le papier. Oui, c'est ça, qui signe le papier. Ah, boy! OK. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est des histoires... c'est plus grand que nature. Là, comme, ici, on est... Quand je reviens ici, au Québec, puis que je parle de ça avec d'autres avocats, on n'en revient pas. Ouais, c'est ça. Ce système-là, c'est intense. Malgré que c'est un pays qui a 300 millions de personnes et puis qui vit des problèmes différents des nôtres. Il y a des armes à feu partout. Là. On couvre même la couverture médiatique. Je voyais aux nouvelles là-bas des arrestations. Quelqu'un qui faisait pousser des plants de cannabis dans son sous-sol. le spectacle de la perquisition, de l'arrivée, c'était filmé. On voyait en direct? On voyait les policiers sortir avec la personne. Oh, puis là, on dit il y a une école à, mettons, à peu près 1 000 de là. La drogue s'en allait là directement. Effectivement, là, tu sais, avec des gros camions. Ils sont capables de mettre l'emphase sur des choses. Finalement. C'est particulier. Oui, disons que je dirais, on n'est pas tout à fait des Américains, heureusement. On a une petite influence de peut-être de l'Europe, là, parce que je vous parlerai peut-être une autre fois de façon dont on voit ça en Allemagne ou en France. C'est ce qui est le jour et la nuit, là, comparé totalement différent à ce qu'on peut faire aux États-Unis. Et ça, c'était dans le cadre de votre congrès qui s'est déroulé à Las Vegas. Mais sinon, écoute, vous êtes des avocats du Canada. Évidemment, les lois ne sont pas les mêmes. Les problèmes sont les mêmes, par exemple. On parlait beaucoup d'alcool au volant dans ce congrès-là. Et on utilise les mêmes appareils. Ce qui amène les policiers à arrêter des gens, les motifs, la charte des droits. Ici, on a une charte des droits qui date de 1982. J'en ai déjà parlé. Là-bas, aux États-Unis, c'est lors de la Révolution américaine qu'ils ont adopté des principes de charte. Donc, ça fait plus longtemps. Mais c'est toujours basé sur les mêmes choses. Le respect de la vie privée des gens, le fait que le gouvernement peut pas rentrer dans la vie privée. C'est ça, des perquisitions, fouiller vos choses. Donc, les principes qu'on a essayé de développer au Canada ont été très influencés par l'évolution de ce qui s'est passé aux États-Unis. Okay. Et les Américains ont peut-être été parmi les premiers. Et ils sont très fiers de ça. Eux, j'avais dit, ici, on a adopté une charte des droits en 1982 dans un contexte politique un peu particulier parce qu'il y avait le Québec était pas faisait pas partie du rapatriement de la Constitution. Donc, ici, au Québec, la charte, elle nous rappelle aussi un problème politique, le fait que le Québec faisait pas partie de la Constitution canadienne et que le Québec se sentait un petit peu à part. Alors qu'aux États-Unis, c'est le résultat de la Révolution américaine. Donc, pour eux, la Constitution, c'est sacré, c'est l'histoire des États-Unis est basée là-dessus. On s'est révolté contre les Anglais, puis là, on veut plus d'oppression du gouvernement. Donc, la charte est vue. On est très fort sur les libertés individuelles là-bas. Hein. Vous savez que même l'assurance maladie n'existe pas, et puis c'est encore aujourd'hui contesté. Parce qu'ils disent, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, chacun a le droit de payer son médecin, ou en tout cas, le droit. le moyen. C'est pas au gouvernement à prendre l'argent et à répartir. On est très individualiste. Et ça résulte de la Révolution américaine, ça résulte de cette sorte de charte des droits-là. Et pour eux, il y a défendre, à chaque fois qu'on défend un accusé, si vous parlez à un avocat de défense américain, il va vous dire chaque fois qu'il représente un accusé, il défend la Constitution des États-Unis. Donc, d'ailleurs, la revue de l'Association des avocats de défense des Américains s'appelle Champion. The Champion. Wow. Ils se considèrent comme les champions de la défense de la Constitution. Remarquez qu'ils ont... Ils ont beaucoup de pain sur la planche avec les sentences qui sont rendues là-bas. Les problèmes de criminalité sont plus importants aussi. Puis, comme je vous l'ai dit, mais la violence, les armes à feu, je veux dire, tout est plus intense. Je pense même, je me demande si physiquement, ils sont pas plus gros puis ils sont pas plus, plus grands. J'ai l'impression d'être au pays des géants, un petit peu quand on est aux États-Unis. Des géants horizontaux. Bon, merci beaucoup, Michel Lebrun. Ça fait plaisir, merci. Chronique de champion, je dirais ici. Et vous saluerez la Nicattle de ma part. Et, callback and blague au début de la chronique. Comme ça, je vais pouvoir comme, la remettre dans le montage. C'est une blague comme alternative, comme sur un DVD. C'est comme blague numéro 2. C'est un autre angle de caméra. On parlait de Woody Allen, qui avait une sentence de 700 quelques années. Il va pouvoir se pogner une putain de 300-400 ans facile. Il est habitué de l'avoir une la moitié de son rendage. C'est ça. Pas sûr, je vais en mettre. Donc, merci. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, à 8h. Merci. Donc, chronique panier à salade. Et dans quelques secondes, on se retrouve avec David Ferron et son entrevue avec Simon Fitzbay. Pour l'instant, en hommage aux Américains, on écoute Jack White et Freedom at 21. Façon majeure à 21 ans. Woody Allen. 21 ans, c'est parfait pour lui. Non, c'est trop vieux. Ouais. C'est majeur. C'est majeur. Au moins, c'est légal. Qu'il peut le faire légalement. it's about. No responsibility, no guilt, a moral cloud of judgment. Smile on her face, she does what she damn well please. Right, and she don't care what kind of things people used to do. And she don't care that what she does has an effect on you. She's got freedom in the 21st century.